Music Machine. The Music Machine. Il est temps, ça y est, on va rejouer à la Music Machine, c'est votre dernier jour, Maître Lefeu, bonsoir. Bonsoir. On vous a pas dit c'était votre dernier jour? On m'a rien dit, moi, tu sais, moi je viens comme ça, sur un coup de tête. Vous avez vraiment dormi dans le studio il y a 2 semaines ici? Ouais, sous la table. Ah ok, mais c'était sympa? Bon, c'était sous la table. Ok, eh bien je vois que vous êtes toujours très heureux d'être là et ça fait plaisir de voir votre enthousiasme. Est-ce que vous êtes content au moins de voir Maëva? Ah bon, je suis content de voir Maëva, bonsoir. Bonsoir Maître Lefeu. Voilà. Waouh, on comprend pourquoi c'est sa dernière. Allez, je peux déjà vous l'annoncer, là on fait vraiment tout ce qui nous fait plaisir. Semaine prochaine, notre huissier de justice sera... Maître Ruban, maîtrise pas sera de retour la semaine prochaine pour notre plus grand bonheur. Non, je l'aime pas. Il était pas très agréable, mais il était comique. Oui, ah. il était vraiment drôle. Et c'est toi qui, c'est lui qui t'appelait Maëva. Il ne sait pas parler aux femmes. Bon, bah, ça, c'est votre avis. C'est juste que c'est un concurrent. C'est pour ça que vous dites ça. Donc, il faut me reprendre. Non, c'est fini, c'est votre dernier jour. Allez, on compte sur vous pour compter les points. Le principe est simple. On prend des reprises de TikTok. Il faut deviner titre et artiste original. Concentrez-vous tous. Kix, t'es prêt à jouer? T'es là, quoi? Ouais, je suis là. Allez, essaye quand même. Hein. Très bien. Tu finisses la saison en beauté. Et Maëva, évidemment, voilà, pour gagner. Voilà. Mais... On y va, c'est parti. Manche 1. Harry Styles. Welcome to the final show. Non. Mais c'est bien Harry Styles. Ah, c'est très bon, hein. On va attendre qu'ils le disent, hein. The Bloody. The Police. Mais non. Attends. C'est après le titre. Blooding. Mais non, pas Blooding. Non. Bon allez, c'est fini. Bah, Bullitt, il a dit Bullitt. Terminé. Il a dit Bullitt. Mais c'est pas Bullitt le titre. Boulette. Non, ça va être Just Stop You Cry. Na-na-na-na-na. Bah le na-na-na-na, c'est le titre. C'est ça. Et The Silent Side. Bah, non, Sign of the Times, ah, c'est pardon. Le titre. Magnifique chanson, hein. Oui. Ah, ça en concert, ça fout les poils, hein. Moi, je trouve que vous êtes plutôt dur parce que la version TikTok était très bonne. Pardon. voici la deuxième manche. Pardon? Attends, c'est dans le studio ou c'est sur le son? Là, c'était sur le son. Qui a fait ça dans le studio? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, je te jure. C'était personne dans ce studio. Non. Bon, on va réécouter. C'est Adèle, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Enfin. Je vous promets que je n'aurais jamais validé ça en amont de l'émission si je savais qu'il y avait un rot dedans. Et je pense que personne ne s'est rendu compte et c'est passé à l'antenne comme ça, sous les radars. On va se le remettre, pour le plaisir. Il était fou. Cela dit, je suis resté focalisé que sur le rot. J'ai même pas écouté la musique. Du coup, j'aurais jamais trouvé. Mais toi... Ça le fait rire lui-même. Elle se laisse pas démonter, elle continue. Il et Brian. Brian. Excuse-moi, Brian. Refrain. Attention, ça monte. Pardon. Plutôt violent, hein, je trouve, quand même, comme, comme bazar. Oui, je, moi, je, oui, oui. Je suis sous le choc, moi, en fait. L'euro m'a achevé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on l'entend et elle reprend, genre. Il, Brian, Brian! Évidemment, ça, un mec, ça, il s'entend, non? Non. Ouais, bon, ok. Allez. Mettre le feu, on en est où? On commence en feu, 2 points. Allez, c'est sympa. 2 points pour qui? Oh! Mettre le feu, non! Ah, c'est votre dernier jour, vous n'en avez plus rien à foutre, hein? Oh non, là, j'en ai plus rien à foutre, je respecte plus personne. Vous allez retourner à Charleroi, vous êtes au courant de ça? Ah ouais. Allez, c'est très sympa, on vous payera au moins le ticket de train. Allez, on y va, 3e manche, concentrez-vous tous. Ah, c'est ton copain. Maëva, rien que pour toi. Ah oui, évidemment. Dominique, nique. Bah. Ça en allait tout simplement. Dominique, nique. Oui. Ses sœurs, je sais plus comment. Ah, il faut la trouver. Routier pauvre et chantant. Tang. En tout chemin et en tout lieu. Non, sœur. Il ne parle que du bon Dieu. Le bon Dieu. À l'époque où Jean Santerre. L'Angleterre était le roi. Bon, personne ne l'a ? Les sœurs sourire. Bonne réponse ! Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Alors, le villageois qui vient de tirer sur sœur sourire, je trouve pas ça correct. Oh, comment ça ? Oui, c'est vous qui criez abruti connard, c'est ça? Oui, abruti connard, de la vie de bon Dieu de con! Écartez-moi ça de ce studio. Faites pas ça. Laissez-moi tenter! Non, allez, ça sort. Bon, c'est une bonne sœur, s'il vous plaît. En tout cas, c'est un changement d'ambiance entre... Dominique, nique. Ça en allait tout simplement. Routier pauvre et chantant. Avec la version d'Afalgan. Dominique, nique, ça n'allait tout simplement. Routier pauvre et chantant. J'ai envie de dire quand même que c'est la journée mondiale de la lenteur aujourd'hui, donc j'ai l'impression que c'est vraiment là. C'est raccord. Le fossé, tu vois. Mettre le feu, les points. Ouais, c'est ma journée aujourd'hui, alors ça sent. Oui, ah oui, c'est vrai, on aurait dû vous rendre hommage, la journée de la lenteur. Et pourtant, moi là, je suis à mon maximum, hein. Oh! Mais qu'est-ce que c'est si on vous donne un peu de drogue? Ben là, je suis sans drogue. Honnête. Ne le faites pas de votre côté, c'est dangereux pour la santé, tout ça. Les points. Pour moi et vous, ça fait 3. Vous parlez quand je parle, c'est qui anime l'émission ici? Ben c'est moi. Ah bon? Ben on m'a pas dit, hein. Merci, maître machin. Là. Allez, voici l'avant-dernière manche. Kix, tu peux encore sauver ta mise. Oui, enfin... Bon, du moins, faire acte de présence. Ouais, l'honneur, ouais. L'honneur, là. Go and close the curtains, cause what I need is a candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold it tonight, oh yeah. Je suis censé trouver une réponse là? Ah bah oui! Ok. Oui, Save Tonight, Eagle, chérie, je sais plus quoi. Eagle, hey chérie, effectivement, Save Tonight, c'est le titre. C'est Shazam qui t'a aidé, je suis sûr. Ah non, mais Dieu, arrête, je connais les paroles. Elle a triché, mettre le feu, elle a triché. Mais je connais les paroles, comme in close the curtain, cause all you need is... Ben, tu vois, je les connais. Ouais, c'est ça, moi aussi. En ce tour-ci, moi, je vois plus rien. Mais vous servez à quoi? Bah, je sais pas, on m'a donné un bic à la con, et je dois faire des traits sur ma feuille. Mais vous êtes censé être maître, est-ce que vous avez vraiment votre licence de maître? Non, mais je fais 1 mètre. D'accord, ok. Je savais que c'était un truc dans cet esprit-là. Merci beaucoup, Maëva. Effectivement, c'était Eagle Eye, chérie. Hey, tonight, and try to break up and come tomorrow. Tomorrow I didn't care. Il me fait un peu de peine, lui. J'ai toujours envie de dire, allez, ça va bien se passer, bats-toi. Allez, remets-toi. Allez, réessaye à cap. Save tonight and fight the break of dawn come tomorrow. Non. Tomorrow I'll be gone. Ouais, c'est bon. Kisses, everybody. Merci beaucoup. Il change pas, lui. Ah, Pierre, on l'embrasse. On se fait le dernier? Ouais. Manche finale? La dernière. Bah, Eva? Oui, oui, oui. Mais cette fois-ci, il faut que je gagne, hein. Pas un point, hein. Bah, Eva était complètement déconnectée. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un avec un regard aussi vide. Elle était vraiment en train de regarder le plafond, en train de se dire. Elle regardait pas le plafond, elle regardait mes fesses. Mais elle a vu que je la regardais, alors. Vous faites un mètre, elle peut pas regarder en haut, alors, en vous regardant les vos fesses. Elle a tourné du regard, hein, tu sais. Franchement, il va manquer. Il est quand même un peu drôle. Non, il est pas drôle. Moi, il me fait de la peine. Allez, mettre les points, s'il vous plaît. Ah, ça fait 5 pour ma Eva. Mais non, c'est pas possible. Ça on a pas encore 4. Fait la finale. Ah, c'est pas faux. Mais ça fait 4 alors. Peut-être qu'il a des dents de voyant. Comptez jusqu'à 5 un peu pour voir. Mais il manque des doigts. Ah oui, c'est vrai. Oh, purée. C'est pas bien de se moquer. C'est un handicap. Bon, du coup, je compte ceux de mes pieds. Bon, vous n'étiez pas à l'origine de ça. Tu es une enfant handicapée. Mais tu es mon enfant. Non, vous n'avez aucun rapport avec ça. C'est moi qui ai écrit les paroles. Voilà. En fait, c'est le frère de. C'est ça. Vous êtes de frère. Aussi. Mais ça, je voulais pas trop le dire. On va s'arrêter là, d'accord? Ah oui. Hein, ouais. Sur la qualité, on la fait pas. On se fait la dernière manche. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Oui. Non, mais parce que là, il y a du dossier, vraiment. Là, je vous le dis, la barre est très haute. Et Maroon 5. C'est ça. Memories. To the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Est-ce qu'on pourrait dire à ce monsieur que son micro sature? Toast to the ones of today. Toast to the ones that were lost on the way. Cause the dream bring back all the memory. And memories bring back you. Et je suis un vrai cauchemar pour une lessive. Et pour un micro aussi, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Maître Lefeu. Verdict final de cette émission. Oh ben, cette fois-ci, je crois qu'on est vraiment à 5. Hein. Ah, donc 5 pour victoire de... Maëva. Ah, excusez-moi. Ah non, c'est pas... J'ai cru que c'était mon réveil, désolé. Mais non, votre réveil c'est pas ça, le son de votre réveil c'est ça. Ah, c'est vrai. Autre non, chose. Moi, ça, je perds un peu la boule. Hein. Oh, mais dites donc, mais il n'y a pas écrit Bécasse ici. Ah, vous savez, c'est quoi le lien qu'on a entre elle et moi? Dites-moi. C'est le dosage. Hein. C'est une question de bon sens. Ah oui, en effet, d'accord, je viens de comprendre. Adieu, Maître Lefeu. Bah non. Bah si, on ne se verra plus, donc au revoir. Oh ben moi, si je dis adieu, je vais mettre le feu. Oh non, petit pyromane, sors de ce studio s'il te plaît.